anniversaire, tiré à un seul exemplaire, que t'écouteras face à la mer, pendant qu'ici je garde tes affaires. Alors écoute bien ce refrain, qui vient d'un cœur resté si loin, d'un coin où il ne fait pas beau, mais y a de la joie dans les bistrots. Pour ton anniversaire. À l'autre bout de la terre. T'inquiète, je m'occupe de tout ici et je fais tous les jours mon lit où je respecte ce que tu m'as dit. Alors pendant des heures je lis, Guillaume voudrait bien profiter des largesses de ton canapé, mais séparé par des portes vitrées. Y a un peu de promiscuité, je prends bien soin de tes amis. Paye des joints à tes voisins, y'a que la bouffe du chat que j'oublie. Ah, ça je te l'avais pas dit. Le soir je mange des loukoums et je pense à toi près de Touloum. Tout a l'air de très bien rouler sous les sunlights des cocotiers. Bon anniversaire. À l'autre bout de la terre. Y'a beaucoup trop d'accords mineurs pour une chanson d'anniversaire qui veut te souhaiter plein de bonheur vu que le nôtre il est derrière. Mais c'est celle-là que j'ai choisie, faut dire que c'était la seule aussi. Mais comme point final d'une histoire, on a vu pire, tu peux me croire. Bon anniversaire. À l'autre bout de la terre.